mal gaulé, rejeté, délaissé. Toute la haine qu'il gardait, se libérer pour skanker, t'y choper son trombone et le feu déchanter. Sans arrêt s'entraîner, ne vivait que pour jouer. Dans les gens hallucinés, d'avoir été.